Puis-je vous poser une question? Il faut toujours être ce qu'on n'est pas et ne pas être ce que l'on est. Wow. Qui est-ce? C'était l'homme grenouille préféré du commandant Cousteau. Mmh. Oh, je peux regarder? C'est affreux. C'est une horloge. Elle a un cadran avec des chiffres. Il est 9h. Et pour vous, tout va bien? C'est Nova. 9h, du coup, il est encore un peu tôt, mais c'est tout de même bientôt le week-end. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que tous les sets du Nova Mix Club, notre rendez-vous du vendredi soir, sont disponibles en podcast sur le site nova.fr. 4h avec Laurent Garnier, la même chose avec Manu le Malin ou encore Kittine. Ça peut potentiellement illuminer vos futures soirées. Il arrive sur Nova, Dominique Dumont, Mink Deville aussi, et tout de suite, une ode à l'amour et à la danse, celle de Little Dragon avec Lover Chanting. Do you wanna be my girl? I wanna be your man. Do you wanna be my girl? I wanna be your man. Do you wanna be my girl? I wanna be your man. You man. Do you wanna be my girl? I wanna be your man. Baby, I've been watching you, watching every move. pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. What are we gonna do? And she said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiere llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted qué es al lado, Rosita. Oh. Savait si bien le faire dans les années 70 avec le groupe new-yorkais Mine de Ville. On les écoutait sur le morceau Spanish Stroll. On vous quitte un instant, puis on revient avec The Knife et Dominique Dumont. Nova. Le grand mix. We'll be right back. Kiss et... Ukulele. Nova. Le Grand. Yeah.